Edwige. L'été printanier, la saison déjà chaude où tout n'est pas encore poussé, où les feuilles sont humides et renvoient de la lumière, l'été de la fin de mai faisait trembler l'air doux au-dessus de la Loire. Dans un renflement de la vallée, à droite du fleuve, et presque au milieu des terres d'alluvion, une maison de garde-barrière levait sa façade étroite. Elle était construite à quelques mètres du remblai du chemin de fer de Paris à Nantes, au bord d'une route qui descendait des collines du Nord, traversait des champs et des prairies, coupait à angle droit la voie ferrée et qui, un peu plus loin, passait la Loire sur les arches d'un pont. Des voitures de paysans ou de marchands, quelques automobiles visitant les châteaux de la Loire, se présentaient, à toute heure de jour ou de nuit, pour franchir le passage à niveau. Il fallait sortir de la maison et ouvrir les barrières. Il fallait aussi se trouver devant la porte au passage des trains. Le métier n'était pas fatigant. Il ne demandait qu'une grande exactitude, un sommeil léger, pour entendre la nuit l'appel des voituriers ou la corne des automobiles, et l'ignorance de la peur ou une certaine fermeté de caractère. Car le poste de guetteur de route était loin de toute habitation, la vallée comptant peu de fermes dans ses terres basses, à cause de la crainte des grandes eaux. Il était 3 heures de l'après-midi. Une vieille femme, chétivement vêtue et bien coiffée, avec des bandeaux ondulés sur les tempes, était accroupie près d'une plate-bande à quelques pas de la maison le long des rails. Elle arrachait les mauvaises herbes poussées dans le sable. Ses mouvements étaient d'une extrême lenteur. On pouvait juger qu'ils excédaient néanmoins ses forces, car la femme n'avait pas sarclé la largeur de ses deux mains, qu'elle s'arrêtait et se reposait en regardant les 4 rubans d'acier qui filaient droits, luisants, séparés de moins en moins, jusqu'à l'horizon où ils se fondaient comme des fils tendus sur un métier et serrés par un bout. Les champs, aux deux côtés de la voie, remuaient lentement leurs poils nouveaux dans la lumière. Entre des peupliers, à d'énormes distances, des grèves étincelaient, un peu d'eau et de sable qui étaient comme de l'argent et de l'or. La femme se remettait au travail, puis s'interrompait de nouveau et interrogeait du regard la ligne dont elle avait la garde. À 3h30, elle appela. « Voilà le 717 !» Rien ne répondit pendant plusieurs minutes à son appel, et elle s'était penchée de nouveau vers la planche de poids quand une femme beaucoup plus jeune ouvrit la porte de la maison et se tint debout dans la lumière. C'était Edwige. Elle était encore plus jolie que du temps qu'elle habitait l'école de la place Saint-Pontique, parce que l'on pouvait voir ses cheveux châtains et qu'il y avait dans ses yeux bleus le reflet d'un plus large ciel. Mais son regard et son sourire de miséricorde ne rencontraient plus guère qu'une vieille femme indifférente, des blés, des herbes et des sols. Elle était vêtue d'un corsage clair et d'une jupe noire, comme beaucoup d'ouvrières de campagne. Elle avait jeté sur sa tête, pour se garantir du soleil, une cape de batiste blanche, de fabrication anglaise, un reste de l'ancienne aisance du temps du père. Quand le train, qui était un train de marchandises, s'engagea dans la partie de la voie que bordait la soleil voisine de la maison, elle leva le drapeau roulé qu'elle portait à la main. Pendant 2 minutes, le sol trembla. Les saules eurent leurs feuilles retroussées, 10 pies vécurent en l'air, des grognements de bétail enfermés, des grincements de ferraille et de planches effarèrent, dans le couvert des moissons proches, toute la faune invisible. Puis la dernière voiture dépassa la route et diminua, cahotante, sur les rails, tandis qu'une pluie de sable retombait sur le remblai, les légumes et les 5 groseilliers du potager. La sarcleuse aux bandeaux ondulés ne s'était pas détournée. Edwige regarda de ce côté puis vers l'est, où, très loin, l'eau des grèves portait le globe du soleil. Elle avait toujours cet air d'aimer répandu dans tout son être. Elle rentra. Dans la salle carrelée et claire, elle rapprocha de la table la chaise qu'elle avait écartée tout à l'heure, s'assit, et sur la toile cirée, reprit le bas de laine noir qu'elle tricotait. Les aiguilles se croisèrent, silencieuses. La campagne, au dehors, était muette. Près du coude que la jeune fille appuyait sur la table, un livre d'heures était ouvert, un livre relié et usé. Edwige se penchait au-dessus quelquefois, lisait sans interrompre son travail et méditait. C'est dans cette maison qu'elle habitait avec sa mère. Celle-ci, veuve depuis quelques années d'un chef de station de la compagnie, aurait pu prétendre à tenir une bibliothèque dans une gare. « J'ai droit, disait-elle, je demande mon droit. » C'était une personne susceptible et contentieuse. Mais les places vacantes étaient rares, et les droits antérieurs aux siens ne l'étaient pas. Après avoir miséré, seule d'abord, puis avec sa fille chassée de l'école dans un village du Blaisois, elle avait fini par accepter, au commencement de l'hiver, un poste de garde-barrière. Elle ne s'y serait pas déplu si la pensée de la déchéance ne l'avait pas hantée. Comme elle était très rhumatisante et que le médecin lui avait recommandé d'éviter les refroidissements, elle confiait à sa fille, presque toujours, le soin d'ouvrir la barrière et de présenter le drapeau au passage des trains, se bornant à veiller et à dire, de jour ou de nuit, « Il y a l'heure » ou bien « Il y a du monde aux barrières ». Elle avait l'oreille fine et dormait peu. Edwige, désormais pour un temps indéterminé, se sentait obligée de vivre là, puisque c'est elle qui faisait vivre l'autre. Elle y consentait, de toute sa volonté exercée au sacrifice et forte jusqu'au sourire. Elle était de ces veuves qui se taisent. Jamais un mot sur les séparations anciennes. On ne la surprenait point en larmes. Toute sa tendresse semblait aller au jour présent et y trouver la réponse qui suffit. Cependant, deux douleurs quotidiennes s'ajoutaient à la grande peine profonde qui ne finirait point, et l'une était du matin et l'autre du soir. Le matin, en s'éveillant, elle entendait à travers les prés sonner les cloches, et la plupart du temps, elle, la consacrée, elle, la soifée d'amour divin, elle ne pouvait se rendre à l'église, qui était distante de 3 kilomètres. Le soir, une autre épreuve, cruelle, déchirante, l'attendait, et la mère ne pouvait se douter ni de l'une ni de l'autre. L'heure approchait, justement. Plusieurs fois, sur le cadran de la pendule plate pendue au mur, Edwige avait regardé l'aiguille des minutes, 4h, 4h05, 4h10, et à chaque fois elle avait interrogé, d'un coup d'œil inquiet, la route qu'on apercevait à droite, jaune entre deux bourrelets d'herbe. Quelques minutes encore, et la voix de la mère s'éleva du jardin. « Edwige, vite, les voilà, dépêche-toi, l'express est en vue !» La jeune fille sortit en hâte, tête nue, et courut aux barrières. Elle ne souriait plus. Son visage n'était plus rose ni tendre, mais pâle et contracté. Elle aurait voulu ne pas venir, ne pas être là. Ce qu'il y avait, il y avait 30 écoliers, des garçons et des filles qui revenaient de l'école et accouraient pour traverser la voie et qui criaient « Mademoiselle, bonjour mademoiselle, vite mademoiselle !» Les garçons levaient leurs bérets ou leurs casquettes, les petites filles levaient leurs mains, les doigts écartés, quelques-uns jetaient en l'air leur cartable, toutes les mines éveillées, tout le luisant des yeux, toutes les lèvres tendues, piaillaient « Ouvrez, mademoiselle !» Elle ouvrit. Au galop, les enfants passèrent sur les rails, deux ou trois toutes petites trottant à l'arrière, entraînées par une sœur grande. Et derrière eux, les barrières furent fermées. Pas un ne resta près d'Edwige. Ils continuaient leur chemin. Ils s'éloignèrent. Ils ne furent bientôt plus, sur la route amincie, qu'une chose indistincte et qui flotte, comme un troupeau de moutons avec de la poussière au-dessus. Edwige, le cœur battant, penché, souffrant le martyr de l'inutile amour, suivait du regard les enfants de l'école. En voyant disparaître chaque soir ceux qu'elle aimait, elle pensait à Lyon, puis à Nîmes, puis à Dieu.